Bonjour à vous tous qui suivez Isanganiro. C'est le moment de l'émission Mosaïque, vous préparée par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec l'ONG Bénévolentia Grand Lac. Mosaïque d'aujourd'hui s'articule sur la situation humanitaire des réfugiés congolais qui ont récemment trouvé refuge sur le sol burundais et ceux qui s'y sont installés depuis des années. Depuis le 15 février de l'année en cours, des dizaines de milliers de réfugiés congolais ont fui les violences dans l'est de la RDC pour trouver refuge au Burundi. Le HCR, en collaboration avec ses partenaires, dit avoir accueilli près de 70 000 réfugiés jusqu'au 22 mars 2025. Plusieurs réfugiés ont logé temporairement dans des écoles, stades et tentes à Rugombo en province Cibitoke. Une opération de relocalisation vers le site de Musenyi a été lancée. Toutefois, une grande partie des réfugiés congolais, plus de 40 000, ont refusé la relocalisation, préférant rentrer en RDC malgré l'insécurité. Les conditions humanitaires sont critiques. Manque de vivres, manque de médicaments, manque de couverture. Ceux qui ont été transférés à Musenyi ou qui sont dans les camps des provinces du Nord, Ngozi, Muyinga, Tchankuzo et Ruyigi, souffrent de rations alimentaires réduites, absence de terres cultivables, manque d'assistance durable, pour ne citer que cela. Pour en parler, nous avons quatre invités autour de cette table ronde, à savoir Penda Ndiaye, administratrice chargée de la réintégration au HCR Burundi. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour Évariste et merci de l'invitation. Nous sommes avec Dr Sixevini Nimurava, président de la CNDH. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour et merci pour nous avoir invités à cette émission. Nous sommes également avec Dr Major Pamphile Mabansi, expert en droit de réfugiés. Bonjour et bienvenue monsieur. Bonjour et merci pour l'invitation. Nous sommes également avec Tshisekedi Mulamba, congolais vivant au Burundi, et suivant de près la situation des Congolais réfugiés vivant sur le territoire national. Bienvenue, monsieur, dans Mosaïque. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je salue aussi les auditeurs comme les téléspectateurs qui vont nous suivre. Merci beaucoup. À la cabine technique, je suis avec François Akimana et Alexandre Ngarouenaï. Médar Nyonguru est à la réalisation. À l'animation de ce débat, vous êtes avec Évariste Nzikobananga. Rebonjour et bienvenue. Mosaïque. La radio Isanganiro traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Bénévolentia. Mosaïque. Plantons le décor de cette émission avec cette première question et faisons le tour de table. Je la dirige en premier lieu à Madame Ndiaye. Quelle est donc la situation humanitaire des réfugiés congolais, surtout qui ont récemment trouvé refuge sur le territoire national, sur le sol burundi? Merci beaucoup, Évariste, de cette invitation, comme je viens de le dire. La situation des réfugiés congolais qui arrivent ici au Burundi est complexe. Tout le monde est au courant des problèmes qu'il y a eu. Le fait que des milliers de Congolais ont fui leur pays d'origine pour venir demander refuge ici au Burundi. Donc les autorités leur ont donné le statut de prima facie, ils sont reconnus réfugiés. Depuis lors, il y a l'enregistrement de premier niveau qui est effectué pour connaître qui ils sont afin de voir comment bien les aider. Donc c'est ça, c'est des hommes, des femmes, beaucoup de femmes, des enfants, des personnes âgées qui fuient, qui viennent, parfois qui laissent tout derrière eux, qui viennent ici égarés à la recherche de paix et pour qu'ils soient appuyés. Donc c'est ça globalement la situation. Quand ils viennent ici, ils viennent pour des conditions meilleures, fuyant la situation difficile dans leur localité. Donc, et les besoins sont énormes. Les besoins humanitaires restent énormes. Les partenaires sont en train d'appuyer. Donc, globalement, c'est ça la situation actuelle. Nous sommes avec Tshisekedi Muramba. Vous êtes Congolais. Il y a un afflux massif sur le sol burundais depuis février. Est-ce qu'aujourd'hui, comme Pendandia vient de le dire, est-ce que les Congolais qui arrivent ici, maintenant, ils sont satisfaits? Ils sont bien accueillis? Ils sont assistés? Je pourrais dire que les Congolais réfugiés qui sont venus depuis le mois de février sont reçus par les structures d'accueil. Et cependant, les infrastructures ne sont pas vraiment suffisantes pour pouvoir les mettre à l'aise. Et ici, je parle par exemple des centres d'accueil, comme à Dihanga, c'est pas où, où on retrouve à la fois les réfugiés, mais aussi on y retrouve des voyageurs occasionnels qui n'ont pas les papiers en ordre. Donc, avant qu'on mène une enquête là-dessus, on prend tout le monde, et les réfugiés et les non-réfugiés, et on les achemine vers le centre d'accueil. Et là, l'enquête peut passer 2 ou 3 jours. Ceux-là qui ne sont pas réfugiés sont libérés, et ce sont ceux-là qui viennent, par exemple, louer des maisons ici à Bujumbura. C'est-à-dire qu'il y a dedans les spéculateurs. Oui, il y a des spéculateurs. Nous sommes avec un défenseur des droits de l'homme, Sixte Vini Nimurava, président de la CNDH. Comment se portent les droits de réfugiés ici au Burundi? D'abord, je dois dire que les droits de l'homme, c'est un idéal. C'est un idéal qu'on n'atteint jamais. Même quand vous n'êtes pas réfugié, même tes droits ne sont jamais satisfaits à 100%. Et quand vous êtes réfugié, donc vous avez déjà perdu certains de vos droits en tant qu'être humain. Vous n'avez plus accès à votre terre, à votre famille, à votre maison, ainsi de suite. Donc, vous entendez qu'il y a un certain nombre de droits qui vous sont déjà privés par les circonstances. Et quant aux réfugiés qui sont au Burundi, et d'abord, je dois dire que c'est quelque chose qui a lieu à l'improviste. Personne ne s'était vraiment préparé, même les agences des Nations Unies ne pensent pas avoir un si grand nombre de personnes qui viennent. Donc, ça veut dire que leur prise en charge pose question. Donc, il y a des questions qu'on peut se poser quant à leur logement, quant à leur alimentation, quant à l'accès à l'éducation, aux soins de santé, ainsi de suite. Mais quand même, côté sécuritaire, je dois dire que au moins, on connaît que après avoir dépassé les frontières, ils ont eu leur sécurité, du moins sécurité physique assurée. Donc, vous entendez que quand on parle des droits des réfugiés, c'est beaucoup de choses qu'on parle, mais quand même, à ce qui est de leur protection sécuritaire, je pense que c'est déjà assuré, mais il y a d'autres lacunes, peut-être que les experts auront à débattre. Merci beaucoup, docteur Sixte Vigny. Nous sommes donc avec docteur major Pamphile Mabansi, expert en droit de réfugiés. Tout à l'heure, Sixte Vigny parlait sommairement des droits de réfugiés. Quels sont les droits, les principaux droits aux réfugiés quand ils se déplacent d'un pays à l'autre? Merci beaucoup pour la question. En fait, le réfugié qui arrive sur le territoire d'un État tiers, si je parle des réfugiés, en principe, si on parle de réfugiés, c'est comme si c'est quelqu'un qui a déjà obtenu le statut de réfugié, mais en quittant son pays d'origine déjà, on est réfugié, on fuit la persécution. C'est pour cela qu'en prenant même réfugié ou demander l'asile, mais avant d'avoir obtenu le statut, ça ne fait rien. Sinon, en quittant son pays d'origine, il est déjà réfugié, il sait qu'il est réfugié. Mais il reviendra alors au pays d'accueil de déterminer son statut, de voir si réellement cette personne remplit le statut et les conditions pour être reconnues comme réfugiés. Alors, le premier droit qu'il bénéficie, ces personnes qui quittent les pays d'origine pour demander asile dans un pays tiers, c'est le principe de non-refoulement. Ces personnes ne peuvent pas être refoulées vers les pays d'origine tant qu'ils fuient la persécution dans les pays d'origine. Et le pays d'accueil est obligé alors d'accueillir ces personnes, de les protéger et d'analyser leurs demandes et vers la fin, voir si leur statut est reconnu ou pas. Sinon, le premier principe, c'est le non-refoulement et c'est ce non-refoulement qui protège ces réfugiés dès l'arrivée sur le territoire d'un État tiers. Le réfugié, il doit être où quand il est déjà identifié qu'il est réfugié? Il doit vivre à quelle distance de son pays d'origine? Merci beaucoup. La convention de l'OIA régissant les aspects propres des réfugiés en Afrique prévoit en son article 2, alinéa 6, que les réfugiés doivent être installés à une distance considérable par rapport à la frontière d'un pays d'origine, et cela pour éviter des éventuelles attaques de la part de son pays d'origine. Ça peut arriver. C'est pour cela qu'on exige l'installation de ces réfugiés à une distance considérable, 150 km comme ça, de leur pays d'origine pour éviter leur insécurité. Oui. Voilà, Pendant Diaye, administratrice chargée de la réintégration au HCR Burundi. Voilà les Congolais qui étaient à Rugombo, c'est fini l'identification, mais ils refusent d'aller à Rutana. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bon, par rapport à cette situation, j'aimerais juste clarifier ce qu'il en est. Tout à l'heure, on a évoqué le fait qu'il y avait différents sites. Donc, certains étaient à Guianga, il y avait différents sites au niveau de la province de... Bubanza. Oui, et par rapport à cela, certains venaient de manière volontaire, parce que le caractère volontaire est important, se faire enregistrer, se faire identifier, et on les acheminait dans des bus vers Rutana, le site de Musenyi. Donc, à peu près, nous avons plus de 13 000 qui sont maintenant au niveau de Musenyi, dans la province de Rutana, et beaucoup de réfugiés congolais sont toujours dans les communautés au niveau de Cibitoke. Voilà, donc c'est pas tout le monde qui a refusé d'aller. Beaucoup sont déjà partis. Nos partenaires de mise en œuvre les ont amenés là-bas. Et maintenant, on va procéder à une deuxième étape d'identification qui permettra de connaître les profils. Qui est commerçant, qui est agriculteur, qui est enseignant, qui est élève. Nous allons très bientôt procéder à ça parce que c'est ça qui nous permet de mieux les appuyer en connaissant leur profil. Et il y a une forte majorité qui se trouve actuellement au niveau des populations locales dans la province de Cibitoke. Oui, et des informations provenant de Cibitoke disent que ces gens, ils sont pognés et ils se sont loués des maisons et vivent à l'aise là-bas. Est-ce que cela est permis pour un réfugié? Si on parle du droit, cela est permis. Ce qui est permis, c'est que le caractère volontaire. Il y a aussi une autre portion des réfugiés qui étaient venus, qui a décidé de retourner. Est-ce que cela est permis? C'est oui, parce que c'est volontaire. Quand la personne considère qu'elle est en mesure de retourner dans son pays, elle peut le faire. Si elle est d'accord de manière volontaire d'aller dans un site du HCR, on l'aide, nous accompagnons le gouvernement, donc le réfugié est aidé pour aller dans le site qui est identifié à cet effet-là, à savoir Musenyi. Et pour le moment, il y a encore une fois un grand nombre qui n'a pas approché les services du HCR ou du gouvernement pour s'identifier, pour prétendre à être relocalisé à Musenyi et qui reste actuellement dans les environs de Cibitoke. Est-ce que le site de Musenyi a quelle capacité d'accueil? Le site de Musenyi a une capacité d'accueil de 10 000, mais peut aller jusqu'à 15 000. Pour le moment, nous avons 13 000 réfugiés qui sont installés là-bas. Et un deuxième site à Bouérou, qui se trouve dans la province de Ruigi, a été identifié par les autorités. Donc là, il y a des analyses qui sont en train d'être faites. Il y a 116 hectares qui ont été mis à disposition au niveau de Bouérou, donc qui peut accueillir davantage de réfugiés qui aimeraient quitter les zones frontalières de Cibitoke pour être relocalisés à l'intérieur du pays. Merci beaucoup. Tshisekedi Mulamba, vous suivez de près, vous êtes aussi à l'ambassade de la République démocratique du Congo, ici au Burundi. Vous suivez de près l'évolution de la chose. On entend que des Congolais refusent d'aller à Rutana, ce qui était à Cibitoke, et optent retourner en RDC alors qu'il y a toujours de l'insécurité. Comment est-ce que vous interprétez cela au niveau de l'ambassade de la RDC ici? Oui, je suis cette situation de près, parce que déjà, et à part le fait que je suis préfet des études à l'école consulaire de l'ambassade de Bujumbura, je suis aussi conseiller de l'ambassadeur chargé des questions pédagogiques. Alors, nous voyons, il y a des parents qui viennent avec des élèves à faire enregistrer ici. Nous en avons déjà enregistré au primaire comme au secondaire plus d'une centaine. Et là, vous trouvez qu'il y a une catégorie de réfugiés, des réfugiés non enregistrés. Non enregistrés, un parent vient, il y a des députés, il y a des magistrats, des avocats, et ils sont de plusieurs origines professionnelles. Ils viennent avec la femme et les enfants, et ils louent une maison, puis ils retournent sur son poste de travail. Donc la femme et les enfants sont réfugiés, mais le père de la famille n'est pas réfugié. Donc c'est une situation... Et alors, je pense que ce sont des éléments qui vont échapper au HCR. parce que on va considérer que nous avons tel nombre de réfugiés alors qu'il y en a plus. Parmi les gens qui se font enregistrer volontairement, ce sont des gens qui, on l'a vu déjà aussi avec les anciens réfugiés qui sont venus. Et parmi ces anciens réfugiés-là, il y a même des pseudo-réfugiés. Donc, ils n'ont jamais connu la guerre en RDC. Ce sont des fonctionnaires, des enseignants qui ont vécu ici depuis des années 85, mais qui, parce qu'ils sont habités par le rêve d'aller dans un pays d'exil, un pays d'Europe, un pays d'Amérique, eh bien, ils se constituent réfugiés sans qu'ils soient réellement des réfugiés. Alors, c'est parmi ces gens-là que vous trouverez les réfugiés qu'on dit volontaires, qui se font enregistrer volontairement pour un objectif futur. Et les réfugiés réels, comment est-ce qu'ils vivent? Là, on parle de ceux qui ont accepté d'aller à Routana. Bon, les réfugiés réels, vous allez trouver que ce sont des réfugiés qui n'ont pas suffisamment de moyens. Ils arrivent, je connais déjà des gens qui n'ont pas touché leur salaire depuis 2 mois, parce que quand ils viennent de Goma ou de Bukavu, où les services publics ne fonctionnent plus. Déjà, et les services publics de Bukavu ont déménagé pour Uvira. Mmh. C'est là que le gouvernorat est situé. Même l'assemblée provinciale se trouve à Uvira aujourd'hui, à Kavimvira. Mmh. Donc, quand ils arrivent sans rien, ils sont obligés de se faire enregistrer pour aller habiter dans les centres d'accueil. Mmh. Alors, quand on leur demande de quitter la frontière pour aller à Routana, eh bien, ils n'ont pas d'autre choix que d'y aller. Mais du moment qu'ils y arrivent et qu'ils trouvent que les conditions de vie ne sont pas vraiment favorables, et ça se comprend aussi parce que l'OHCR ne budgétise que selon le nombre de réfugiés réels qu'il a en main. Mais du moment qu'une guerre ne crie pas garde, donc une guerre explose et on a un afflux de nouveaux réfugiés qui ne sont pas budgétisés, il est tout à fait normal qu'il y ait des problèmes de gérer ces gens-là par rapport à leurs conditions de vie. Alors, du moment qu'ils ne se sentent pas dans de bonnes mains, ils sont tentés de retourner, de revenir à Bujumbura ou même de rentrer au pays d'origine. Donc, aujourd'hui, vous ne reprochez personne que les droits des réfugiés congolais sont bafoués ici au Burundi? Je pense que c'est plutôt un problème de moyens. Et vous avez par exemple le site de Gihanga. Les réfugiés qui sont allés là-bas disent qu'il n'y a pas de toilettes à suffisance, il n'y a pas moyen de prendre douche. Des fois, on attend la nuit pour prendre douche à l'abri du regard des habitants, des passants. Et les vivres ne sont pas donnés à suffisance. Je pense que c'est plutôt un problème de moyens. Donc, on n'a pas prévu suffisamment de fonds pour accueillir ces réfugiés-là qui arrivent au jour le jour. Aujourd'hui, je dis que c'est encore passable parce que Uvira n'est pas tombé. Si Uvira était tombé, je pense que le Burundi serait déjà débordé. Docteur Sixte, on entend qu'il y a les moyens qui manquent pour bien accueillir les réfugiés congolais. N'est-ce pas une violation des droits des réfugiés qui arrivent sur le sol burundais? D'abord, je dois revenir sur la question parce que oui, ils sont des réfugiés, mais ils ont des droits et aussi des devoirs. Ça veut dire que même quand vous êtes un réfugié, il y a des lois que vous devez respecter. Notamment, quand vous lisez la convention relative au statut des réfugiés, vous allez trouver en son article 2 qu'il y a des lois et des règlements du pays hôte, du pays d'accueil, que les réfugiés sont tenus de suivre. Donc, quand vous dites qu'ils ont refusé d'aller dans un milieu tel, peut-être c'est pour la sécurité, ainsi de suite, que le gouvernement a décidé, mais aussi c'est conformément à la loi, comme le docteur l'a dit. Et deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement vous devez respecter ces règlements, mais aussi d'autres procédures. Et le gouvernement qui est en charge de prendre en charge ces réfugiés doit aussi avoir des moyens, comme on le disait. Et ça dépend du pays hôte. Quand vous êtes, par exemple, en France et que vous voyez des réfugiés ukrainiens, l'assistance qu'on leur donne, c'est l'assistance en termes de monnaie, en termes d'argent liquide. On ne donne pas de nourriture et les haricots et le riz, ainsi de suite. Et même les lieux où les gens résident, ce sont des maisons qui sont plus confortables. Même au Burundi, s'il y avait des moyens, donc ils devaient en bénéficier. Mais quand vous êtes dans un pays d'accueil, vous devez vous conformer aux standards qui se trouvent là et aux moyens. Parce que ce n'est pas les organismes internationaux des Nations Unies qui sont responsables de la prise en charge de ces personnes. Ils ne viennent que pour assister le gouvernement qui est responsable de la prise en charge de ces réfugiés. Donc, compte tenu des moyens financiers, des moyens logistiques, et qui sont là, c'est ça qui va déterminer leur prise en charge. Donc, vous ne pouvez pas avoir ce que le pays hôte n'a pas pour vous donner. Donc le réfugié n'a aucun droit de réclamer, c'est ce que vous dites? Non, ce n'est pas ça. J'ai dit, vous avez le droit de réclamer, mais dans les limites des moyens du pays hôte. Oui, nous sommes avec l'expert en droit de réfugié, docteur Major Pamphile. Maman Alcy, on a suivi de près les revendications des réfugiés congolais qui sont arrivés à Cibitoke. Ils disaient on ne peut pas aller à Rutana, qu'on nous laisse à Cibitoke. Même les Burundais qui avaient fui vers la RDC, on ne les a pas renvoyés à 150 km. Les droits du réfugié ont des limites. Les droits des réfugiés n'ont pas de limites. Et tout simplement, comme le docteur Sixela dit, le pays d'accueil protège les réfugiés dans les limites de ses moyens. La plupart des droits des réfugiés, ce sont des droits économiques, sociaux, culturels. Or, pour ces droits, le pays, il les garantit à ses citoyens, mais aussi aux étrangers qui sont sur le territoire de ce pays, qu'en fonction de ces moyens. Ce sont des droits qui obligent à l'État de mener des actions, et ces actions ne peuvent être menées qu'en fonction des moyens disponibles. Alors, par rapport aux droits des réfugiés, les droits au logement, le droit à l'alimentation, droit aux soins de santé, tout ça, ce sont des droits qui nécessitent beaucoup de moyens. Et alors, si on reproche au gouvernement du Burundi de n'avoir pas fourni aux réfugiés des moyens suffisants, on regarde alors comment les autres Burundais jouissent de ces droits. Est-ce que les Burundais sont beaucoup mieux que les réfugiés? Est-ce qu'il y a un écart considérable entre le traitement que subissent les Burundais et le traitement réservé aux réfugiés? S'il n'y a pas d'écart, là on ne dirait pas que le gouvernement n'a pas bien accueilli ces réfugiés ou n'a pas fourni aux réfugiés ce dont ils avaient besoin. C'est tout ça. C'est pour cela que par rapport aux réfugiés, comme le docteur Sixela dit, ils sont obligés de respecter ou de se conformer aux lois et règlements qu'ils trouvent dans le pays d'accueil. Oui. Oui. Et il y a ceux qui se sont fait louer des maisons, qui ont des moyens, qui sont restés. On les voit beaujoup dans la capitale économique, Bujumbura. On les voit partout. Est-ce qu'ils ont le droit de se louer des maisons, d'être réfugiés urbains? La loi burundaise n'empêche pas les réfugiés de faire leur choix. Soit d'aller vivre dans le camp de réfugiés ou bien de vivre en milieu urbain. Et là, si le réfugié vit en milieu urbain, il est obligé de prendre en charge tout ce dont il a besoin. Il n'aura pas recours aux autorités étatiques ou bien même rester pour demander le logement, ou bien pour demander l'alimentation. Il reste en vie parce qu'il voit qu'il a suffisamment de moyens pour se prendre en charge lui-même. Oui. Pendandiaye, du ACR, vous avez entendu les doléances de Tshisekedi Mulamba. Il a parlé de manque de moyens pour satisfaire ses Congolais réfugiés. Il a évoqué le manque de latrines, ainsi de suite. Quels sont les défis? L'OHCR fait face à des défis pour pouvoir remplir toutes ces conditions. Tout à fait. Le gouvernement du Burundi en premier, accompagné de tous ses partenaires, avec l'OHCR et tous les partenaires, font face à des défis actuellement. Je voulais juste revenir sur un point qui est soulevé, et je pense que le docteur a terminé sur ça, par rapport aux réfugiés. La personne qui fuit a la latitude de venir demander l'asile et de l'avoir, puisque ici au Burundi c'est le statut de prima facie, ou bien il peut se prendre en charge et ne même pas demander l'asile, comme un migrant qui vient, qui s'installe par ses propres moyens, je pense que ça a été évoqué. Il peut aussi demander l'asile, l'avoir, et en fonction de ses moyens, il décide de s'établir où il veut, il se prend totalement en charge. Donc ça aussi c'est une catégorie du réfugié qui a ses moyens. Peut-être on lui donne le document de réfugié qui va lui faciliter la circulation, mais il se prend totalement en charge. Et il y a le réfugié vulnérable, qui ne peut pas se prendre en charge, qui est envoyé au niveau des sites. Donc pour en revenir aux défis, les défis sont multiples. Donc quand ils viennent, il faut les enregistrer pour les connaître, savoir qui est qui et ils sont au nombre de combien. C'est là où commencent les défis. Il faut des ressources humaines, des ressources financières pour faire cela. Nous avons évoqué Gihanga. Gihanga qui à la base est un centre de transit pour les rapatriés burundais. Nous sommes en situation d'urgence. Personne n'avait planifié cette situation qui est tombée sur tout le monde. Donc, il a fallu faire avec les moyens du bord. Gihanga accueillait les réfugiés burundais qui venaient du Kenya, de l'Afrique du Sud, de la RDC. On les installait là-bas pour les enregistrer avant qu'ils rentrent chez eux. Donc, quand il y a eu cet afflux, il a fallu les prendre, les mettre là-bas, ce qui fait que ce n'était pas un dispositif adéquat et il manque effectivement de tout. On a vu aussi ceux qui étaient même au niveau du stade de Rugombo, c'était difficile. Mm-hmm. Donc, pour ce qui est des défis, c'est la nourriture, l'alimentation. Je viens d'évoquer l'enregistrement des réfugiés. Il y a l'accès aux services sociaux de base, les enfants qui se trouvent à Musenyi qui doivent aller à l'école. Il y a le logement. Le site de Musenyi construisait des maisons dignes pour les réfugiés. Avec l'afflux qu'il y a eu, il a fallu recevoir plus de 10 000. Et par rapport à ça, c'est difficile. C'est difficile de les loger tous. Actuellement, ils sont dans des tentes communautaires. Nous allons évoluer vers des tentes familiales individuelles avant que les gens puissent avoir des maisons. Donc, il y a le logement, il y a l'accès à l'eau, il y a les structures sanitaires, les hôpitaux, les centres de santé qui sont débordés. Tout ça sont des défis qu'il faut régler, construire davantage d'infrastructures socio-économiques de base. Il y a aussi le fait que les gens doivent se nourrir, doivent avoir des activités pour se prendre en charge. Donc, les moyens de subsistance, tout cela constitue la cohabitation. Heureusement, les Burundais ont bien réagi, les ont bien reçus. Donc, il y a beaucoup de défis liés à tous ces secteurs-là essentiels de la vie qui sont auxquels on fait face et qu'on essaie avec le peu de moyens que nous avons actuellement de régler. Et justement, ceux qui sont à Musenyi disent qu'ils passent un moment de calvaire depuis un mois qu'ils sont là. Ils disent qu'ils n'ont pas de vivres suffisantes. Comment est-ce que l'OACE compte résoudre ce problème auquel font face ces réfugiés qui sont à Musenyi actuellement? Pour ce qui est de Musenyi, comme je l'ai dit, c'était un site qui a été ouvert en 2024 qui accueillait 3000 personnes. Du jour au lendemain, 13000 personnes sont arrivées. Sans crier gare, donc il manquait de tout, bien évidemment. Le partenaire PAM, il y a aussi la RDC qui la semaine passée a appuyé en vivres. Donc la distribution va se faire très vite. Il y a des vivres qui sont donnés, mais pas en quantité suffisante à tous les 70 000. Il y a l'accès à l'eau aussi qui est facilité. Il y a le logement. Actuellement, les ménages reçoivent aussi du cash, $20 par individu, ça pour 6 mois. Donc, c'est ce qui est fait. Il y a beaucoup qui reste à faire. Mais pour les besoins essentiels, nous essayons d'avoir ça en attendant que plus de partenaires, plus de donateurs appuient. Mosaïque. La radio Isanganiro traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Bénévolentia. Mosaïque. À vous qui venez de nous capter, vous suivez l'émission Mosaïque qui porte sur la situation humanitaire des réfugiés congolais vivant sur le sol burundais. En première partie, l'on parlait des Congolais qui ont fui les sécurités en RDC depuis février. Mais il y a d'autres réfugiés qui sont sur le sol burundais depuis des années. On citerait le site d'Okasogwe en province Muyinga, Moussassa en province Ngozi, Kavumu à Tchankouzo, Gagiriza et Nyanganda dans la province de Ruyigi. Comment est-ce que ces derniers aujourd'hui évoluent? Oui, les camps du Nord sont là-bas et accueillent des réfugiés. Ils étaient plus de 55 000. Donc actuellement, avec le nouvel afflux, les nouveaux sont acheminés à Musenyi. Sur les chiffres que nous avons, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a même pas une centaine qui sont dans les anciens sites. Donc c'est les anciens réfugiés qui sont là-bas, qui continuent à vivre comme ils vivaient. Et globalement, la situation, on la connaît tous, connaît des défis, parfois liés à l'assistance alimentaire que le PAM donne, liés à d'autres défis que nous rencontrons nous essayons de faire face en accompagnant encore une fois le gouvernement pour trouver des solutions durables. Tshisekedi Mulamba, l'on parlait tout à l'heure de nouveaux venus, de nouveaux réfugiés, de cet afflux massif de réfugiés suite à la guerre en RDC. Mais le Burundi héberge déjà des milliers et des milliers de réfugiés. Vous y allez, comment ils évoluent aujourd'hui? Oui, il y a les anciens réfugiés qui étaient venus à la suite de la guerre qu'on avait appelée la guerre d'occupation, de libération de Kabila père. Et ces réfugiés-là sont là depuis maintenant des décennies. Et le problème qui se pose, c'est qu'il y a peut-être des lenteurs dans le traitement des dossiers pour trouver, pour ces réfugiés-là, des pays d'exil. Et je connais des gens qui sont là depuis 90 et qui sont toujours là. Alors, on ne sait pas comment ça se passe au sein du HCR ou de l'ONAPRA. On apprend qu'il y a de nouveaux réfugiés qui viennent. Ceux-là qui sont venus après sont partis. Il y a les anciens qui sont toujours là. Et le problème qui est là, c'est quoi? Plus ça traîne, plus les réfugiés sont tentés de retourner dans leur pays d'origine. Pas pour y rester, mais pour chercher des moyens de survie, pour vendre des vaches, pour vendre des terres. Et ils reviennent encore une fois dans les camps de réfugiés. Mm-hmm. Et je ne sais pas si le HCR a un service qui est chargé du suivi de la mobilité des réfugiés. Parce que je me dis que lorsqu'on est réfugié, le milieu de vie d'un réfugié, c'est dans un camp. Et quand on est dans un camp, on ne peut en sortir que sur autorisation des gestionnaires du camp et revenir au moment prévu pour le retour. Mm-hmm. Et je pense que le HCR devrait tout mettre en place pour que quand on est constitué réfugié, on le soit réellement et qu'on y reste. Et que par la suite, on puisse chercher des pays d'asile le plus rapidement possible pour les réfugiés qui sont déjà arrivés. Mm-hmm. Comment est-ce que l'intégration scolaire là-bas? L'intégration linguistique. Bon, le HCR avec d'autres organisations ont ouvert des écoles. Mm-hmm. Il y a des écoles primaires comme des écoles secondaires dans les camps des réfugiés, mm-hmm. à Muyinga, à Ruigi, à Changuzo. Oui, les écoles sont là et elles sont accompagnées par le ministère de l'Éducation de la République démocratique du Congo. Mm-hmm. Il y a des inspecteurs qui viennent régulièrement pour former les enseignants. Pour assurer des formations en cours d'emploi, parce que déjà, il y a deux catégories d'enseignants là-bas. Il y a des enseignants ou des professeurs qui œuvrent déjà dans les écoles publiques burundaises, gérées par le ministère de l'Éducation. Et ceux-là sont des enseignants qui sont venus depuis très longtemps, des enseignants qualifiés, mm-hmm. mais il y a des enseignants qui sont recrutés au camp même. Mm-hmm. Au camp même, on donne du travail aux réfugiés qui ont un certain niveau d'études, alors ceux-là, ils ont une formation initiale qui est peut-être incomplète, et c'est là que les inspecteurs itinérants de la RDC viennent pour assurer une formation à ce genre d'enseignants. Mm-hmm. Donc les enfants sont pris en charge. Au primaire comme au secondaire. Merci beaucoup, Sixte Vigny Nimuraba. On entend que les réfugiés qui se sont installés depuis des années au Burundi, ils ont élégé mieux par rapport à ceux qui sont arrivés très récemment. Comment est-ce que vous appréciez la vie des anciens réfugiés congolais qui sont au nord du pays? Je pense que la vie des réfugiés est plus ou moins semblable à la vie des Burundais en général. Parce que quand vous allez dans les camps, vous allez trouver qu'il y a des relations entre le monde extérieur des camps et les réfugiés qui sont là. Et je dois souligner qu'il y a même ceux qui se créent des relations, il y a des mariages qui sont faits ici et là. Mm-hmm. Et il y a même des activités qui sont faites en collaboration avec les deux groupes. C'est comme si c'était, comment je peux le dire, une communauté et parmi d'autres communautés. Ça, c'est la première chose. Même le niveau de vie, ça ne diffère pas beaucoup. Bien sûr, quand vous êtes réfugié, il y a quelque chose que vous n'avez pas comme les autres. Mais je dis que pour les réfugiés de longue date, si je peux le dire, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'amélioration en termes de collaboration, en termes de services. Je suis témoin que même quand il y a des problèmes ici et là, c'est réglé. Il y a une façon de résoudre les problèmes entre les communautés. Mmh. Certains des réfugiés qui bénéficient d'asile soit vers le Canada, les États-Unis. Très récemment, on a entendu qu'il y avait des lamentations des femmes qui étaient mariées aux Congolais à qui on refusait de partir avec. Vous en avez été au courant de la situation? Est-ce que la chose a évolué positivement? Non, on n'a pas été au courant, mais je dois souligner que le traitement de ces cas qui sont envoyés dans d'autres pays, c'est un processus difficile et qui, pour la plupart des fois, ça prend beaucoup d'années. Et il y a des experts qui s'en chargent. Je ne pense pas que la CNDH pourrait se prononcer là-dessus parce que c'est un dossier vraiment qui est lourd. Je pense même pas que l'OHCL vraiment est au contrôle, parce que c'est fait par une autre agence. Et la plupart des fois, selon mes expériences, ça dure beaucoup d'années et il y a beaucoup d'intervenants. Certains sont ici, localement dans le pays, d'autres sont à l'étranger. Donc là, vraiment, je ne serai pas bien placé pour me prononcer. Pamphile Mabansi, vous êtes expert en droit de réfugié. Quand un réfugié s'installe dans le pays pour y rester longtemps, même pour devenir le citoyen lambda de ce pays, qu'est-ce qu'il doit avoir comme droit? Avant de répondre, je voudrais apporter un éclairage par rapport au terme utilisé des réfugiés qui quittent le Burundi pour aller être installés dans d'autres pays. C'est la réinstallation. Ce n'est pas un nouveau statut qu'ils acquièrent. On les réinstalle dans un autre pays. Parfois des pays lointains, des pays non accessibles par les demandeurs d'asile. Et ces pays communiquent au HCR, ils disent au HCR d'envoyer un certain nombre de réfugiés qui le HCR collecte ces réfugiés dans différents camps du monde entier. Et ces réfugiés sont acheminés alors vers ces pays non accessibles, c'est notamment les États-Unis, le Canada, même l'Europe. L'Australie aussi? Oui, l'Australie aussi. Et là, c'est le processus de réinstallation. Et là, ils continuent avec le statut de réfugié? Ils sont réfugiés, mais ils sont réinstallés dans ces pays-là, les pays qui ont plus ou moins de moyens. Et là, c'est une façon de mettre vos statuts, parfois. Sinon, le statut dit réfugié n'est pas l'atténuement. Il y a des solutions durables qui sont prévues, c'est notamment soit le rapatriement, si jamais la persécution que la personne a fui a cessé dans son pays d'origine, c'est soit la naturalisation. Si le réfugié voit qu'il peut bien mener sa vie dans le pays d'accueil, il peut demander à être naturalisé et devenir comme citoyen comme d'autres Burundais, par exemple c'est au Burundi, et là il sera protégé non pas comme réfugié, mais comme Burundais, comme les autres Burundais. Et l'autre catégorie, c'est les personnes qui bénéficient alors de la réinstallation, qui sont envoyées dans les autres pays pour trouver une solution durable à leur statut de réfugié. Donc ces Congolais qui sont ici, ils ont droit à la nationalité burundaise? Oui. Ces Congolais peuvent demander la nationalité burundaise. La loi burundaise, si la nationalité prévoit ça, il suffit d'adresser la demande au ministère de la Justice avec copie au procureur de la République. Là, le processus peut être acheminé jusqu'à obtenir la naturalisation. Oui. Sinon, par rapport aux autres droits pour les réfugiés, les anciens réfugiés, ils continuent de bénéficier des droits à la protection, ils doivent être protégés, ils bénéficient des droits au logement, droits à l'alimentation, droits aux soins de santé, droits à la scolarisation pour les enfants. En tout cas, ils bénéficient de tous ces droits, même si ils disent parfois, j'ai mené des études dans les camps des réfugiés, ils disent que les soins ou bien ils disent que ce qu'ils bénéficient de leur part du HCR ou bien de la part des autorités burundaises ne suffisait pas. Et ça se comprend aussi vu la situation économique de notre pays. Parfois, leurs besoins ne peuvent pas être satisfaits. Parfois. Et la plupart des réfugiés disent que pour bien satisfaire le reste des besoins, ils doivent vendre la ration alimentaire reçue. Par exemple, pour acheter les habits ou bien pour acheter les chaussures aux enfants, ou bien même pour acheter les médicaments. Et les médicaments qu'ils reçoivent vers la sécurité sanitaire ne suffisent pas, ils doivent vendre la ration. Et normalement, dans une telle situation, il aurait fallu qu'on amène ces réfugiés à s'autonomiser, à aller octroyer par exemple des fonds pour démarrer des petites activités, ou bien même aller octroyer, et ça se fait en Ouganda, on les donne des lopins de terre qu'ils peuvent cultiver et avec ces lopins de terre, ils peuvent gagner quelque chose pour combler le vide qu'ils ne reçoivent pas de la part des autorités du pays d'accueil ou même de la part des intervenants humanitaires. Quand on était à Nyanganda et à Moussassa pour évaluer l'état dédié des réfugiés congolais qui sont là, ils ont demandé des lopins de terre pour faire l'agriculture, puisque on venait juste de réduire la ration alimentaire aux réfugiés. Est-ce que cette demande a eu une issue favorable? Comment est-ce que vous avez pu régler ça en collaboration avec le gouvernement? Merci beaucoup. Donc, par rapport à cette sollicitation d'accéder aux terres, effectivement, c'est une demande de certains réfugiés. Et c'est en étroite ligne avec la politique d'autonomisation que la HCR et ses partenaires mènent. pour que, comme on l'a dit, parfois l'assistance alimentaire manque. C'est toujours bien d'éviter la dépendance des réfugiés, de les appuyer pour qu'ils puissent se prendre en charge. Donc, ce que nous faisons, il y a un plaidoyer qui est fait et on prend appui pour que des coopératives de mix de réfugiés et de la population locale burundaise puissent accéder à des terres. Nous connaissons tous la situation des terres ici au Burundi. C'est une problématique. Moi, je suis en charge de la réintégration, donc des rapatriés burundais qui reviennent. Donc, nous connaissons la problématique des terres. C'est l'accès à la terre peut poser problème. Donc, à travers des coopératives, les réfugiés viennent, amènent des financements, peuvent amener l'engrais, peuvent amener beaucoup de choses. Et les Burundais qui ont la terre donnent la terre. Ensemble, ils travaillent pour mener des activités. Ce qui fait qu'à Nyakanda, que vous avez mentionné, il y a quelques projets pilotes de pisciculture où, grâce au marais, on fait la pisciculture, on fait du maraîchage. Il y a aussi ONPRA qui a aidé parfois certains groupes à faire le maraîchage, la riziculture. Mais ces initiatives pourraient être mieux développées. On est dans ce sens-là, d'appuyer, puisque, encore une fois, il y a le problème de terre, nous essayons des méthodes innovantes où on fait la culture verticale. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup de terre. C'est ce que nous essayons de faire, que ce soit pour les réfugiés, mais aussi pour les réfugiés burundais, les rapatriés qui rentrent. Trouver des mesures innovantes afin de pouvoir aider le secteur agricole à se développer pour une autonomisation des réfugiés. Voilà. Oui, et tu sais ce qu'il dit, vous venez de l'entendre, vous en êtes au courant, les Congolais qui sont au nord, ils réclament toujours des terres. Oui, les réfugiés qui sont dans le nord réclament des terres. Et s'ils réclament des terres, c'est parce qu'ils ont attendu d'avoir un pays d'exil pour pouvoir partir. Et je l'ai dit, tous les réfugiés qui sont ici au Burundi ne sont pas de vrais réfugiés. Il y a des pseudo-réfugiés. Il y a même des anciens enseignants, j'en connais quelques-uns, des enseignants qui travaillaient ici au Burundi comme enseignants, comme professeurs. Et quand il y a eu la guerre en RDC, les vrais réfugiés sont venus et ils se sont aussi introduits à l'intérieur de cette catégorie là-bas. Aujourd'hui encore, on trouve quelques réfugiés qui n'étaient pas des réfugiés au départ, qui étaient des fonctionnaires de l'État ici au Burundi et qui se retrouvent maintenant dans les camps parce qu'ils attendent leur départ. Et s'ils réclament des terres, c'est parce qu'ils ont attendu des décennies pour partir, ils ne sont plus partis. Et ce sont ces gens-là qui réclament des terres. Sinon, nous retrouvons une autre catégorie de réfugiés qui proviennent des provinces frontalières du Burundi. Ceux-là, ils sont toujours en mouvement. Ils descendent, ils vont même en RDC, ils reviennent. Mais aujourd'hui, qu'il y a encore une nouvelle guerre, je pense que c'est risqué de laisser un réfugié qui habite le camp, de quitter le camp, de se déplacer, passer la frontière, entrer dans son pays d'origine et revenir encore une fois. Je pense que c'est pour cela que je me disais que l'OHCR devrait mettre en place un service de suivi de la mobilité des réfugiés qui sont dans les camps. Oui. Est-ce que ces terres sont disponibles? Je pose la question à Vigny. Les Congolais réclament de terres et les Burundais disent qu'ils n'en ont pas. Qu'est-ce que vous en dites? Je dois dire que l'article 20 de la Convention relative au droit au statut des réfugiés précise que en cas de nécessité ou bien en cas d'indisponibilité des moyens pour pouvoir bien prendre en charge les réfugiés, le gouvernement peut donner une assistance dans les mêmes mesures que la population qui vit dans ces lieux. Donc, dans le contexte burundais, les personnes qui ont peu de moyens peuvent toujours demander le pain de terre pour pouvoir trouver, planter, et avoir des vivres. Mais aussi, le gouvernement est capable, quand il voit qu'il y a des moyens, il peut donner des terres pour pouvoir donner la chance à ces réfugiés de pouvoir en exploiter. Mm-hmm. Donc ça dépend de là où ils se trouvent. Par exemple, si vous êtes ici à Bujumbura et que vous demandez le lopin de terre, ça sera difficile. Mais quand vous êtes peut-être à Changuzo, vous pouvez en avoir. Donc ça dépend de l'appréciation de l'administration pour pouvoir décider. Oui, et Madame Diaye, tout à l'heure, Tshisekedi a évoqué le fait qu'il y a des Congolais qui les peuvent... faux et les vrais réfugiés. Il a réitéré cela. Oui, oui. Et je me dois de clarifier, il n'y a pas de faux et de vrais réfugiés. Il n'y mm-hmm. a que des réfugiés. Mm-hmm. Il y a le demandeur d'asile qui vient, qui demande à être reconnu comme réfugié. Il y a toute une procédure qui est mise en place avec l'afflux actuel, c'est prima facie. Tout ce qui fuit, on sait pourquoi ils ont fui leur pays, mm-hmm. on leur donne de facto le statut. Mais sinon, avant cette situation, c'est une procédure que le gouvernement burundais met en place avec des autorités burundaises à différents niveaux. Il y a la première demande de première instance, il y a les appels, donc c'est toute une procédure où la personne donne des justifications avant qu'on lui octroie, avant que le gouvernement burundais lui octroie le statut de réfugié. Donc celui qui a le statut de réfugié a le plein droit d'en bénéficier. Un faux réfugié n'existe pas. Tu peux être demandeur d'asile, tu peux être débouté suite à toutes tes demandes, donc tu n'as pas le statut. Mais celui qui a donné les preuves et qui a reçu le statut de réfugié est un vrai réfugié. Le HCR n'a pas assez d'agents pour suivre derrière chaque réfugié qui est dans le camp pour voir où est-ce qu'il va, ce qu'il fait. Donc on met en avant la dignité et la sécurité de la personne. La personne a son statut. Donc, il peut se mouvoir et sous le guide des autorités burundaises. Mmh. Voilà, ça je voulais le dire. Il n'y a pas de faux et de vrais réfugiés. Mmh. Après l'identification, quel est le sort de celui qui ne bénéficie pas de son statut de réfugié? Le demandeur d'asile qui ne bénéficie pas de statut de réfugié, si c'est un Congolais, puisqu'on parle des Congolais, on est dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Il peut se mouvoir comme citoyen de l'Afrique de l'Est, s'établir ici au Burundi, aller au niveau de son ambassade, se mettre en règle au niveau de la documentation et vivre ici avec ce qu'il faut. Mais il ne sera pas réfugié. Je pense qu'Imbaba aussi a une réaction là-dessus. Qu'est-ce que vous en dites? Un ajout, parce que Pienda vient de dire, comme je l'ai dit, disait souvent qu'il est des fois réfugié. Et parfois, il oublie qu'il y a des réfugiés sur place. Tu peux te trouver, la personne peut se trouver sur Burundi. À un certain moment, il voit que s'il retourne dans son pays d'origine, il y a un risque de persécution. Là, il est réfugié sur place. Il était au Burundi avec les documents de séjour valides. Il voit que une fois retourné dans son pays d'origine, il risque la persécution. Et dans ce cas, et cette personne peut bénéficier de la protection en tant que réfugié. Et cette personne ne devient pas fort réfugié alors qu'il a suivi la procédure normale, il a déposé la demande. Et à l'emploi, il y a des instances qui sont là, la commission constatée pour les étrangers et les réfugiés, le comité de recours, qui analyse le dossier avec comme base les textes internationaux et nationaux. La convention de Genève, la convention de l'OIA, ainsi que la loi mondiale sur l'immigration. Et là, si les autorités voient que cette personne remplit les conditions pour être considéré comme réfugié, il est réfugié et pas faux réfugié. Mais parmi les réfugiés qui sont arrivés à Cibitoke, on entend dire qu'il y a ceux qui sont embarqués dans des camions et bus et déposés à la frontière pour les faire retourner chez eux. Ça se fait. Oui, et en cas d'afflux massif comme actuellement ici au Burundi, il y a une commission ad hoc mise en place par le ministre de l'Intérieur. Et cette commission ad hoc analyse dans son groupe. Et s'il y a les personnes qui ne méritent pas d'être reconnues comme réfugiés, oui, ce n'est pas qu'il y a un flux massif, qu'il y a la guerre, que tout le monde mérite d'être protégé comme réfugiés. Dedans, il peut y avoir des militaires, des policiers, des combattants. Ceux-là sont embarqués dans les camions et sont retournés dans le pays d'origine. Sinon, la Convention de Genève ou la protection internationale ne peut pas être accordée à n'importe quelle personne. S'il y a des malfaiteurs qui sont dedans, ils doivent être mis en dehors de ce groupe qui nécessite évidemment la protection. Sinon, je crois que ceux qui sont embarqués sont dans la catégorie des personnes qui ne méritent pas d'être protégées en tant que réfugiés. Oui, peut-être je peux juste rajouter par rapport à ce qu'il vient de dire. Merci beaucoup. Il y a parmi cette population-là, ceux qui sont restés, par exemple, dans le camp à Rugombo, où les conditions étaient difficiles, et qui ont choisi de retourner. Il y a eu cette catégorie-là, on a les chiffres. Il y a eu des réfugiés burundais qui étaient en RDC, et à cause de la situation, qui sont revenus, qui ont été identifiés comme burundais, et même actuellement, la DGRR, la Direction Générale du Retour et de la Réintégration, est au niveau de Cibitoke pour les identifier, leur donner des documents et l'assistance. Donc, on les identifie aussi et après, on les laisse rentrer. Donc, il y a, comme il vient de le dire, docteur, il y a différentes catégories de personnes et il y a les réfugiés reconnus qui sont ensuite acheminés. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes dans les dernières minutes de cette émission. Cherchons donc certaines solutions pour améliorer la situation sur le terrain. Quelles sont les actions à mener pour que l'on ne parle plus dans la région des Grands Lacs de réfugiés? On peut parler d'idéal, parce qu'on connaît les raisons, les conditions pour lesquelles la personne est reconnue réfugiée. Si ces conditions n'existent plus, le statut de réfugié ne va plus exister. S'il n'y a pas la guerre, s'il n'y a pas la persécution, s'il n'y a pas les raisons qui font que les gens fuient, il n'y aura plus de reconnaissance de statut de réfugié. Donc, si on règle les raisons de la fuite, de la persécution, le problème, le tarissement des réfugiés arrivera directement. Tant qu'il y aura des problèmes, la guerre, l'instabilité, les persécutions pour des raisons, des croyances, des gens, il y aura toujours des réfugiés. Merci. Merci beaucoup. Sixte Vignini Mouraba, qu'est-ce qui doit être fait pour que ces afflux cessent dans cette sous-région? Là, je dois dire que ça serait de l'utopie de penser qu'il y aura un moment où il n'y aura même pas un seul réfugié. Parce que ne perdons pas de vue, c'est pas seulement la guerre que nous voyons qui va causer des réfugiés. Peut-être le nombre dû à la guerre peut augmenter, mais il y a d'autres raisons, quelquefois des raisons avouées. Le changement climatique. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, on parle de la guerre en RDC. Oui, mais pensez-vous qu'après la signature des accords et la cessation des hostilités, tous les réfugiés vont rentrer? Je doute. Donc il y a d'autres raisons qui, quelquefois même, ne sont pas avouées. Et il y a peut-être les raisons économiques qui peuvent faire à ce qu'on trouve des réfugiés ici et là, quand vous n'avez pas des moyens suffisants pour tout le monde et qu'il n'y a pas de partage équitable des ressources naturelles. Même quand vous n'avez pas de guerre qui est ouverte, là, il y a d'autres raisons qui peuvent faire à ce qu'il y ait. Mais ce que j'aimerais dire, d'abord, il faut que la paix soit rétablie, il faut qu'il y ait la bonne gouvernance dans les régions, il faut qu'il y ait le respect des lois et des règles, non seulement dans les pays individualisés, mais aussi au sein de la communauté, que ce soit de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et il faut aussi qu'on puisse évoluer pour trouver l'emploi à tout le monde, mais aussi faciliter le mouvement des gens. Parce que dès que vous ouvrez les frontières et qu'il y ait des législations qui permettent le transfert des connaissances et ainsi de suite, ça va diminuer le nombre de gens qui vont chercher d'autres moyens pour pouvoir bouger d'un pays à l'autre. Merci beaucoup, docteur major Pamphile Mabansi, expert en droit des réfugiés. Qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on n'enregistre plus de réfugiés? Il faut alors voir les causes. Réduire ou éliminer ces causes. Et pour la Convention de Genève prévoit que pour être reconnu comme un réfugié, et c'est la personne qui a fui, et soit la persécution en raison de sa race, de sa nationalité, de son opinion politique, de son appartenance à un groupe social. Il y a des 5 motifs que la Convention de Genève a prévus. Si on élimine ces causes, là, on n'aura pas de protection de réfugiés sous la Convention de Genève. Et là, la convention de l'OIOA, registrant les aspects propres au problème des réfugiés en Afrique, prévoit que la personne qui peut être reconnue comme réfugiée a fui l'agression, l'occupation extérieure ou la domination étrangère ou les événements qui perturbent la sécurité dans son pays d'origine. Et là, si on élimine ces causes, on n'aura plus de réfugiés. là, c'est un idéal. Est-ce qu'on pourra arriver à cette étape-là? Est-ce qu'on n'aura plus la persécution en raison de la race, la religion, la nationalité, l'appartenance au groupe ethnique ou les opinions politiques? Peut-être qu'on y aboutira. Est-ce qu'il n'y aura plus de guerre dans nos pays? Là, si on parvient à éliminer ou à réduire ces causes, là, on aura peu de réfugiés. Ça se comprend. Sinon, parfois, on parle à tort de réfugiés économiques. Et là, la Convention de Genève ne prévoit pas de réfugiés économiques. Pour les motifs, c'est très clair. C'est la race, c'est la religion, c'est la nationalité, c'est la appartenance au groupe ethnique, ce sont les opinions politiques. Il n'y a pas de migrants économiques. Les migrants économiques ne peuvent pas être protégés comme réfugiés au sens propre du terme. Même la Convention de l'OIA ne prévoit pas de réfugiés économiques. Sinon, pour arriver à être reconnu comme réfugié en vertu des causes économiques, il faut qu'il y ait violation des droits économiques, sociaux et culturels dans leur essence. Sinon, parler de migrants économiques et dès qu'il est réfugié, là, c'est à tort qu'on parle qu'ils sont réfugiés alors qu'ils ne le sont pas. Donc sinon, là on va chercher de l'emploi ailleurs. Oui, on va chercher la meilleure vie, l'Eldorado, peut-être, et pas le statut tel quel. Sinon, le statut a été prévu pour protéger des personnes bien spécifiques. Oui. Sinon, pour éliminer, pour qu'il n'y ait plus de réfugiés, il faut alors réduire les causes qui poussent les personnes à quitter un pays d'origine. Là, on n'aura plus de réfugiés. Oui. Merci beaucoup, Tshisekedi Mouramba. Un dernier mot. Qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on ne voit plus de Burundais, de Congolais qui fuient toujours le pays? Oui, mon voisin de table vient de parler de la réduction des causes qui font que les guerres soient là. Mais je dirais que tout dépend de la fenêtre par laquelle on regarde la genèse de ces guerres-là. Pour le cas de la RDC, par exemple, les politiciens parlent de la guerre économique. L'exploitation des minerais, il y a la convoitise des voisins, des pays lointains qui viennent pour l'exploitation de ces minerais-là, en passant par des commissionnaires, c'est pas quoi. Et je crois que la RDC est en train de chercher des solutions par rapport à ça. Et en signant des contrats léonés avec la Chine, avec les États-Unis, c'est une voie de solution. Je pense qu'avec cette perception de cause économique, je pense qu'avec le temps, il n'y aura plus de raison de parler de guerre économique. Mais pour ce qui est maintenant des citoyens, et la plupart des réfugiés, à plus de 75%, ce sont des petites gens qui sont là, qui agriculteurs, éleveurs, travailleurs qui quittent le pays pour se réfugier chez les voisins. Est-ce que pour ces citoyens-là, on parle de guerre économique? Je ne crois pas. C'est pour l'Est de la RDC, aujourd'hui, on parle de la guerre des terres. Les réfugiés rwandophones, eux, disent, bon, c'est la terre de nos aïeux, bon, nous devons avoir nos terres à nous. Bon, moi, je crois qu'en RDC, il n'y a pas un problème de terre. En réalité, il n'y a pas de problème de terre. C'est un grand pays. Il y a même des régions inexploitées jusqu'à ce jour. Et pourquoi ne pas prendre les réfugiés, les citoyens congolais, rwandophones, et de leur demander de s'éparpiller un peu partout dans les provinces du Congo? Pourquoi chercher à s'agglutiner dans Goma, dans Kisangani, dans Bukavu? Le Congo est vaste et je pense que s'ils avaient peut-être l'objectif de s'éparpiller à travers toutes les provinces, on ne parlerait plus de Banyamulenge, ainsi de suite. Et ça dépend de comment on gère ce problème là-bas et ça dépend de comment on arrive à mettre dans la tête des résidents ce qu'il faut faire pour ne pas être victime de refuge dans les mois précédents. Merci beaucoup. Voilà, c'est par ici que se referme cette émission préparée par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec Benevolencia Grand Lac. Une émission qui a vu la participation de Madame Pendandiaye, administratrice chargée de la réintégration au AC Burundi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous. Nous étions aussi avec Dr. Vinini Murava, président de la CNDH, Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi pour l'invitation. Merci aux collègues qui ont partagé l'échange avec nous aujourd'hui. J'étais avec Dr. Major Pamphile Mavansi, expert en droit de réfugiés. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Nous étions aussi avec Tshisekedi Mulamba, congolais. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation, comme vous le faites toujours. Merci, merci aussi à nos co-invités. Et je dis aussi merci aux auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis. À la cabine technique, j'étais avec François Akimana et Alexandre Ngarouenayo. Medard Nyunguru était à la réalisation, à l'animation de ce débat. Vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bonne suite de nos programmes. Mosaïque. La radio Isanganiro traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque.